lure de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. Et on se retrouve pour un nouvel épisode de Hind à Brezonek avec l'émission 509. Et je te laisse dire 509 en breton. Oui, Pemkanno. Et alors aujourd'hui, j'avais l'intention de parler d'un mot très répandu. Ça m'étonne d'ailleurs que j'ai pas traité ça avant. C'est plus. Un pouce, parce que c'est un peu l'époque. Hein. J'y ai pensé en voyant passer une moissonneuse devant chez moi. Et donc, c'est un nom masculin, mais c'est surtout un collectif, en fait. Donc, on dira plus sans article. Hein. Plus de la paille, hein, puisqu'il n'y a pas d'adjectif partitif en breton. Et donc, c'est le plus souvent employé sans article. Plus, hein, donc de la paille. Alors c'est un mot qui est issu de l'ancien français pleu, donc c'est un emprunt à l'ancien français, qui a donné en français pelouse, et donc du latin pilosus, qui veut dire couvert de poils. Donc en fait, pelouse et plouse, c'est la même racine au départ, et bien que ça désigne des choses différentes. Trois rodées pelouse, hein, la paille est coupée et la pelouse est tondue. Voilà. Alors, c'est surtout présent chez les céréales à paille, hein, justement, qu'on appelle céréales à paille. Donc, plus guinis, hein, la paille de froment, plus aigle, la paille de seigle, plus hay, la paille d'orge, et plus tiers, la paille d'avoine. Alors, c'est des pailles qui ont des qualités différentes. Hein, par exemple, la paille de seigle est beaucoup plus rigide, hein. La paille d'orge était souvent utilisée pour mettre dans les sabots. D'après Jules Gros, c'est la meilleure de blouson, hein, pour pailler les sabots. Et la paille d'avoine, c'est à la fois une litière et un aliment, puisque une bonne paille d'avoine, c'est mieux qu'un mauvais foin. J'ai lancé au présent de plus tiers mois, donc voilà, vivouenval. Voilà. Alors, donc, il y a un singulatif, hein, qui est blousen, donc qui lui est féminin, or blousen, hein. Donc on le trouve dans beaucoup d'expressions comme tenant blousen vert, hein, tiré à la courte paille, hein. Voilà. Alors ça a une grande importance symbolique, hein, la paille est synonyme de confort, hein, parce que c'est un bon couchage, hein, on dort bien sur la paille. Il faut éviter d'aller dormir dans le foin, par contre, hein, parce qu'il y a des émanations qui ne sont pas très bonnes. Mais par contre, sur la paille, c'est un... D'ailleurs, autrefois, souvent, les mendiants allaient dormir sur la paille, et c'était très confortable, en fait. On retrouve ça dans la religion. Par exemple, le Christ, quand il est né, a été mis sur la paille. Hein, aujourd'hui, être mis sur la paille, ça a pris un autre sens. Hein. Par exemple... « Oh, pebes burzu de Welland, in Bethlehem pas istroand, ur bugeloir, ur plus cousquet, atal des ans y vandou linet. » Un très beau cantique de Claude Guittorel, là, au XIXe siècle, qui a été recteur de Pembride pendant un an, et beaucoup plus longtemps recteur de Gouarec. Donc, « Oh, pebes burzu de Welland, hein. » Et or plus cousquet, war or plus cousquet. Donc c'était pas du tout un signe d'inconfort, mais au contraire un signe de confort. Alors c'était, on retrouve ça aussi sous l'idée de la sieste auprès du tas de paille. Un DL le bern plus, un DL penner ben plus, un DL penner ben plus, mijon j'ai cousquet d'hydrous. C'est le gars qui fait sa sieste au bout du tas de paille, quoi, et qui est dérangé par toute une suite d'animaux de différentes qui le dérange dans sa sieste. Alors des expressions. Alors heure ploustière et heure gueland de blues en botto, hein. Je l'ai dit tout à l'heure déjà dans Jules Gros, j'ai trouvé ça. Un toque plus, hein, un chapeau de paille, hein, très très très important, hein, pour se protéger du soleil, c'est très isolant. Hein. C'est le cri du coucou aussi, toc au plus, toc au plus. voilà. une expression aussi avec avec ça, Nicke Krogentan, Baplouse me botto. Le feu n'a pas encore pris dans la paille de mes sabots, en fait. Ça veut dire qu'on a le temps, quoi. Il n'y a pas le feu au lac, quoi. Ouais. Voilà. Autre expression, alors, blousen n'est que de losen. Une paille n'est pas une saleté. Ça veut dire qu'un léger défaut n'est pas une tare. C'est en fait un précepte de tolérance. Alors, blousen n'est que de losen. On dashen blues, on dorschen blues. Un dashen, ce serait un endroit. On dorschen blues, c'est un paillasson. Hein. Voilà. Dorschen, d'ailleurs, c'est un coussin. Hein. Begen dorschen, ce serait ça, hein, la pointe de la torche. Hein. Ça a été traduit par la torche en français, mais c'est un dorschen. Hein. Bonne. Ploustière. Ah oui, ça j'ai déjà dit tout à l'heure en français. Ploustière mort. Zo gweller vid wenval. Hein. Il vaut mieux de la bonne paille d'avoine que qu'un mauvais foin. Alors les maisons couvertes en paille, hein, donc en chaume, hein, on appelle ça un petit plouse. Hein. C'est pas une maison complètement en paille comme dans les trois petits cochons. C'est une maison couverte de chaume. Par exemple, on trouve ça dans Orvatesvian de Philomena Cadoré. Prenne le vauveur, hasarven un petit plouse, du hont à leur venten, un drone énigme d'hydrousse. Alors, il y a un autre mot pour dire la paille, c'est colo, hein, qui est un mot qu'on trouve, par exemple, en gallois et en cornique également, et qu'on trouve en breton. D'ailleurs, on dit que Gwen Colo, ce serait le mois de la paille blanche. Hein. Alors moi, je ne l'ai jamais entendu par ici. Hein. Colo, c'est sauf sous la forme Goloen. Hein. Alors Goloen, qui est une ruche, donc qui est faite avec de la paille. Quoi. Mais Colo, tout seul, je n'ai jamais entendu. Alors ça existait aussi en latin, hein, Calamus, hein, qui désigne le roseau. Quoi. C'est une vieille racine indo-européenne. Voilà, donc Colo. Hein. Alors Colo, Coloen, hein, donc une corbeille, une ruche. Et Coloener, Coloener, fabricant de ruches. Alors, un mot colo hein, qui est utilisé dans certaines régions en Bretagne, mais pas dans le Kreisbreis à ma connaissance. Deuxième partie de cette émission Henta Brezonek. Brezonek tomatom. Oui, alors là, on va passer dans le vieux breton. Là. J'avais parlé un peu du gaulois la semaine dernière. Et donc, on va continuer là-dessus. Alors, je vais donner quelques racines hein, qu'on trouve en gaulois et également en breton. Quoi. Donc, elles sont très nombreuses. Hein, je ne vais pas les passer toutes, hein, simplement les principales. Alors, abalo, pommier. Hein, donc, qui a donné par exemple Avalon, hein, le nom de ville, hein, et qu'on retrouve cette racine un petit peu dans différentes langues. Hein, en breton, Aval, hein, nous on dit Nal, Aval, Avalou, hein, voilà. En gallois c'est la même chose, en anglais Apple, hein, en allemand Apfel, hein, donc tout ça vient du celtique, hein, du gaulois qui était très étendu hein, autrefois, hein, puisque ça couvrait aussi la Belgique et une partie de l'Italie. Voilà, abalo, pommier ou pomme ou pommier. Alors, alaouda, c'est l'alouette, hein, qu'on trouve donc c'est le mot de l'alouette en gaulois, qu'on trouve sur certaines inscriptions. Et en breton, c'est nalhouedar, hein, nalhouedar scan, ternige à la noix glace, comme dit Philomena Cadoré dans la Vatesian. Voilà. Alos avec deux L, ça veut dire autre, hein, autre. Et en breton, c'est al, hein. Brezonekval, Brezonekareal. Oui, oui. Andera. Andera, c'est A-N-D-E-R-A en gaulois, c'est la génisse. En breton, on dit en noir. En noir. En noir, yeah. Voilà. Anman, qui veut dire le nom. A-N-M-A-N. Hein. Alors, les orthographes, selon les inscriptions, varient un petit peu. Hein. Mais en général, c'est Anman, comme ça. Donc, c'est le nom qui a donné Han en breton. Ou Hanno, hein, puisque le V, souvent, peut se transformer en O selon les dialectes. Voilà. Alors, un préfixe aré, aré qui correspond au breton war. Hein. Par exemple, aré morica, le pays qui est près de la mer. Le pays face à la mer. Aré morica, armorique, hein. Arvorig en breton. Arganto, arganto, l'argent. Qui a donné le... Alors en breton, on dit argand dans certaines régions. Hein. Hein. On, oui, dans le pays de Vantet, donc on est proche du gaulois. Hein. C'est ce que... C'était la, d'ailleurs le, la thèse de Falhan, hein, qui disait que le breton Vantet était proche du gaulois, plus proche du gaulois que les autres, parce que le gaulois avait survécu plus longtemps dans, la, dans le pays Vantet. Alors par exemple, donc en breton, argand ou aran. Et puis ça a donné des noms de villes comme Argenton, par exemple, Argentan, hein, voilà, Argentan dans la Manche, hein. Voilà. Argentan qui s'appelait en gaulois Arganto Magus ou Arganto Magos. Magos, on trouve très très souvent, ça veut dire le marché en gaulois. Arthos, A-R-T-O-S, c'est l'ours, donc qu'on va retrouver dans. Dans le prénom Artus, hein, Arthur, hein, donc le roi bien connu, chevalier de la Table Ronde, tout ça. Et dans beaucoup de toponymes, hein, en Art. Hein. Donc, voilà. Alors, l'ours a une grande importance dans, les, dans la tradition celtique, hein, et même dans la tradition indo-européenne, hein, puisque c'est le roi des animaux au départ. Hein. Le lion est un roi d'importation. D'ailleurs, hier, j'étais à Henri Vin là, pour faire une visite de l'enclos paroissial. Et il y avait, au-dessus de la porte, du porche, il y a des représentations de l'écu des beaux cours, là, encadrés par deux lions qui ont une drôle de bobine. Hein. Visiblement, le sculpteur n'avait jamais vu un lion. Donc, ils ont une drôle de bobine, quoi. Par contre, l'ours, on le trouve un petit peu partout. Hein. Alors, il y a toute une période, les périodes de carnaval correspondent à l'hibernation de l'ours. Hein. Donc, du 1er novembre au 11 novembre, hein, ça se termine par une fête qui est devenue la Saint-Martin. Donc, c'est l'hibernation de l'ours. Et la période de la chandeleur correspond à la déshibernation de l'ours. Donc, une grande importance dans la tradition celtique. Voilà. Alors, baga, c'est un fardeau, hein, qui a donné... En breton, c'est bir. Hein, bir, hein, quelque chose à la fois de physique ou de morale. Hein. Birland, par exemple, hein, une charge d'ajon, hein. Le bonhomme qu'on voit dans la lune, il porte une Berland, hein, une charge d'ajon. Il est plié sous la charge d'ajon, quoi. Voilà, il expie ses péchés là-bas, quoi. Et ça a donné l'anglais bag, hein, justement, qui est un mot celtique au départ. Hein. Voilà, bagpipe, etc. Alors, il y a un mot un peu voisin, mais qui n'a aucun rapport, c'est bagoda, hein, qui veut dire une troupe, un troupeau, et qui, bien sûr, a donné... ça n'a pas donné directement, mais c'est parallèle au mot bagad, qui, en breton, désigne un ensemble de personnes. Un ensemble de personnes. Ça a pris un sens très particulier avec la musique, mais au départ, c'est n'importe quel ensemble de personnes. Voilà. Alors, bagos, c'est le être, hein. C'est parallèle au latin fagus, et ça donne en breton fau. Hein, fau. Alors ici on dit veau, hein, Orvenvaux. Orvenvaux, oui. Voilà. Et le mot français vient du francique, hein, c'est-à-dire c'est germanique. Hein. C'est estren en germanique qui a donné le être. C'est pour ça qu'il y a un accent circonflexe sur le e. Voilà. Eh bien, on va terminer par balano qui veut dire genêt, et alors qui en breton on trouve banal ou balan, ouais. Selon les endroits. Hein. Ici c'est bel en un, et à Kergris c'est bandel. Voilà. Alors donc on va trouver plus banalek ou plus balalek, hein, voilà. Un endroit balarne, un endroit où il y a des genêts. Et ça a donné aussi le français balai. Et ben la prochaine fois, on continuera sur ces racines gauloises. Troisième partie de Henta Brizonek. Eri, petezone ve bavro. Kalze drao e vel jus, buer vej di ouzan. Krogom de diantan vel kiz akustum gant ala bondoua. Hag ar vu e war ar mez. E chu e bremañ un eve amzan, hag er yon ba nan. Mamez no ane ke begualdom un trao bet a bremañ un an zan zo chom eut hanter val, hein. Neus ke kalze dom d'or, dour a gravel ne la ranket. Bon, Mondera un tam gwellar un trao gant ne prise mor, pu dure hat krog tut brochina de bren an kig mor, hag ma bat fe un drazev e fe bet an dravat, e vil jus vid eus averien mor a vid ekonomies ur vro. Pu an komz eus labour douar daouzen bet minis de labour douar a zoet neveso de nan aoun. De diantan Edgar Pisani ou a gant ne bat Tunis, ba pewa fin brezel be tiantan o mis rog, hein, hag neus bet bevet ba Tunisi bet hag iva chelourez a oa deut dor istudi e brohal hag hem eus o bet is prefet oa l'air an ei brezel bet o nan deus ar nan yo an kant mamez oa ba bro Franz de Hulse, puis du roi que met de roi la Warnugen. Hag de Hulse, ou velar en dar, nis préfet de Yohankan ou Babro Orange. Hag babla onan na Trugen, ou deux de vout de ministre de l'Or Bourdouar. Ministre de l'Or Bourdouar, gant notre de Gaulle, ou de Hulse, ou trône Bro Orange. Hag bon, gen de Skalse Drou, hein. Vie de l'arbre d'ouar, bon, ma treize en vege ou ne get trou a neus betien ou a l'air, puis dur pe oa rog oa marne ou a scrive do lever, un din koz hag un douar, hag e l'are ou a kalze drou, ni j'ai ke begred ma meus mot, puis dur oa ed rebel l'arbre d'ouar ou a certain trou. Bon, bon, chom de pempla ministre l'arbre d'ouar, avec bruit de trait, et puis comme je suis ministre de l'arbre d'ouar, avec comme je suis d'Herman, de Stangui Prigent, à Waller, de Spisani, à Waller, de Zoroca, de Zédis Cresson, avec comme je suis d'IV. Puis je tiens ton plat, à Wabed, ministre de l'arbre d'ouar. Bon, l'arendar, scrivez-nous au lever, des glaçons, l'air à l'art est bon, ma treizaine vie, j'ai béré, mon noirien, chouel. Vi de l'arbre d'ouar, dreistol, vit kad o l'arbre, peus velar, ad bremañ l'arbre d'ouar padus. Met de houls o a red produ, i vit ma gant dut. Hag ze oa de houls neveed oa, neve krouen oa bet bro Europa, pi dur oa bet un emgle vrom, un ba blaseiz a hantur kant, hag ur pak oa bet zavet bat streza, bla oa l'air. A Gugun la Waller, Jusmot, Waller Edgar Pisani, Wabed Michel Rocard, et de Vinis de l'Arbre d'Ouar. A de Rouls, ou a change de Kalzentrou, ou Edgar Pisani, ou Ed Kalzentrou, ou Arog, ou Kalzentrou, déjà ou appelle Neptor Fermio ou Neptor Laborarian Douar hag pêchon modeus rocar et rotaio plus dur ma blanc père à Perugen ou à Bécrouet rotaio hag Brovrans ou à Bé de ma peine jeu vide vide grouille rotaio Edgar Pisani wadiden tri gant skolio labour douar a zonjalre ou à Ou à mode, cas, rioang, stumant rioang, ou à dash en la bourdouar. A gebla, dou à tri, hugen, ou à bé vote de lesen, vide, la, quelle est la dure, c'est la bourdouar. A divise l'ou à bé, dans au lycée, ou la bourdouar, bah, pep département. A cal, à, du stu, ou à l'air, ou à bé crog, dans lycée, ou lycée. Bon, déjà, ou à ce collage, ou la bourdouar, rog, mais, à, heure, pas, ou à, au bord leur lycée bah pep département ag leur lycée ag scolage Hendel au collège j'ai grade de c'est quoi ag Valence d'un trou d'asquire ou abécrou de lycée bah Pluisy hein lycée Kernelien à Calze réel ou abécrou de Hulse ag Michel Rocard zobé de du vide là Bordeaux vide quelle est nature de la bourdoua cas de Péway Franche Mitterrand bah ou à Trône Provence ou à Bélard vige Bélac de scolage ou la bourdoua d'indan ministre discadure stat mais unique bégrette bonne et chombe 10 dernes au content dernique d'un bonne de bépoint de vel mais de grédo à lesen jusement de voir scolage ou la bourdoua. Bon, comme ça mon temps, comme je me zare de ce bro Europa, bon, ne ce que voit le belzo, d'un tri ou arnug ne viseven, zo bé d'or votadek, ag vide gwell d'agé chomfe breisveur ba bro Europa, pe FMS, ag bénéfine et de maut, ganri ou a vide mon mes. Ag zézo pez velard leur Brexit. Mais brozoz ne se vote visé, mais brozkoz a broiwerz en un internonce, ne se vote d'en up. C'est du joroir vos russes, ba breisveur, ag kalet a kri vo en dispart, y velard vejo ba kando en ozo. Ma trezen vo gret or kando en oarze, kando en kan a diskan oar en ur Brexit. Bon, puis on commence de ce vote à dégoût, de ce que quoi le belzo, au bé d'or vote à dégoût, bah, bon, non, vide goût à gain, vos grès de nerbors, bah, carnitron, l'an. Bon, calz du doyen, bah, mameuse, mère de carnitron, l'an, Jean-Paul Naut, hein, his, ou, in, de nerbors, Aga tout de réseau un dro mais de un airbus ouais une mais de réseau pelleur zo du hein dit se vécond kaider mode à cette moi de mode bénéfine gandré van cadet et grette mais n'est que grette roi du roi réseau war un trône me marre et mon le scosé gandré té waler que ma quoi le vos pièces à mode vos con bonne Né vaisseau et lance de Ménémique, le Trobrohal, puis une tour de France, il y a de Ménémique et lance d'un trou. A gondra fentus musclève de blanc mon vos classes goud à guins ou tombe au moteur yo dreidon, barreau de vélo yo. Plus dur. Hervé Kledz obéit déjà à bon au Gualzicour, vinant une zone temps moteur, baron, même strong, quoi. À Bromen Vaugret, grande caméra, ou à Zella, un dôme de caméra technique, thermique, de Veltagin, vos moteurs, yo, me strong, bub s'en trouve avec les venants. Né vaisseau, ou à Krogel, un temps, bah, Ilis Tremel, bah, Brodrigue, ag wa poir ad calz de ze bonen don ag calz de drog banilis a vraiment vos red clasker en evel juste evid hat ze evel en ilis mais jonjal rend vos graines même strok a bon on ilis guerre ouais. Ba melion ag zo bene vaisseau Alors, salon, nem gavio war un tel film, hag eus o bet kalz a dud, vel bepla, vid gwelze, hag bon, matzen peus klev de RKB oa war un deus melionnek, a mem klev a kalz a draou. Peve komz de skrivan er yon ur vro, nomez ke zo Michel Priziak, a deglaso ni oa gred o lever a oa hant vet kerminik. Iji ne doa bet de Grand Michel Priziak o ler hant vet kerminik, on tam vel zantolog, on dra iji net. Hag ziske pe sa mod oa bet entro war dro ur blavezio triug na. Pe oa echu gant e lor bourdou ar vel oa rog, hag pe oa yon traktor yo hag ur maiz a tout entro ze. Hag bremañ vo radin band de lever ze, afan ne ketre mam eus lever traoz o bechens de tamo traoz o beten, traoel zo be radlaket, hag vo im band war dindan haon lomo traktor. Bon, gant un imban nadur yo marivol vo gretze, hag vo kavet lever Michel Priziak, ba staliou ur vro. Hag l'erhel mam eus peudio, ouais. E war brovan ze bez. Vezhenom zo regont tandar de skar noet. Bremañ pevetud, ba, de visite en vro, ven kasset de garnoet, mi meus kasset o ne batud, hein, jul gwech zira on tam balead an plijus, hag bon, a dermot ven zou de velet, pe diam me de dud ve, kalz de dud ve bemde, hein, meus an man rotas do han mi le blam, ya, hag vo red or parking oel a tout, ouais. Les dents là de parkir, il y a bon, à grand sépini géjon, je dis, ah, tiens, mais elle du doigt, tos, un zan de vel tos. Bon, végénom, je regonde en d'art de ce galop, y est bro, braisuel, un des vaisseaux, azobé de Honcourt, scrivant aérien, jusement visé, azobé ro, et prijo, puis, ouais, il y a André Hogg de ce bro Loudia, qui est président de, Varnerien, hag eus o reid o neu bat prijo vid kontaden ou barzon egou hag kalz ad roel. Ba plon e mwedek e bet lid de nevesso deg bla ur skol diwan krouet oa bet ba chapel neve de diantan ba bla daou vilhoer hag oa ler oa deud de plon e mwedek. Hag bon, la ramde chans vart gant ur skol de derren war an nens. Bon, setu jonge al rand me... Ah, on dra arwell, moa rand de laret. Presti vo klev de... war vagenou matrezen ur plar an eus gred ur bladen kan oen eo a boz e ujni par cheminer. Neus zo o kan o ba fesionons pel zo. Hag azen eus ged ur bladen gant deg pe daouzeg tont gavtin gant e boz. A prestig de jonj d'or o nel war an a diskant. Bon, setu, gredmem on tamm tro, bavro, hag a bel a vegel, volar a c'hoaz.